a raison. Ces dessins ne sont que pure foutaise. On a beau faire de belles oraisons, l'autre dira toujours qu'il a raison. On va faire un slow pour les filles à l'aise. Elles danseront dans le noir loin des falaises. Et un doux murmure sur du papier cançon me rappellera ces vieux ridés qui disaient non aux niaises. Que devrais-je me dire après ça? C'est eux qui ont raison ou c'est moi qui crève? Tout ton esprit n'est qu'un ça. Ta vérité un songe et moi je rêve. Et moi je rêve. Un songe entaché par Cécile, par ces bras malheureux qui entourent les scribes. Où nous emmènera-t-on vers ces silences qui pensent la vérité est là, plus loin que nos offenses. Quoi que l'autre fasse, on a raison. Ces dessins ne sont que pure foutaise. On a beau faire de belles oraisons, l'autre dira toujours qu'il a raison. Que devrais-je me dire après ça? C'est eux qui ont raison ou c'est moi qui crève? Tout ton esprit n'est qu'un ça. Ta vérité un songe et moi je rêve. Et moi je rêve.